Exercice 5, page 116. A. Vous avez un mouchoir ? B. Vous allez au tournoi ? C. Il nous reste 12 points. D. Il nous écoute moins. E. Tu crois qu'il fait froid ? F. Je croise les doigts pour toi.